Chapitre 4. Pour la seconde fois, je me retrouvais dans la coupe dont j'étais sorti, l'eau ranimant encore le peu de force qui me restait, et sortant peu à peu de l'engourdissement dans lequel j'étais plongé, j'essayais de rappeler mes souvenirs. L'aventure du bois me revint bientôt à la mémoire, mais il me sembla qu'un long espace de temps s'était écoulé depuis ma rentrée chez Maxime. La fenêtre était ouverte. Une brise légère parcourait l'appartement et me procurait un certain adoucissement. Le ciel était pur et sans nuages. Le soleil miroitait ses rayons sur la coupe qui me contenait et me fortifiait. Je vis entrer un beau papillon, dont les ailes étaient diaprées de blanc et d'or. Il se posa sur l'une des roses qui garnissait la jardinière, la quitta pour une autre et revint à elle. Cette vue me transporta tout à coup par la pensée au milieu des miens, et réveilla en moi la douleur d'être séparé de ceux que j'aimais. Je me sentais triste et découragé. Soudain, je vis le papillon abandonner la jardinière, et faisant le tour de l'appartement, il m'aperçut. Je l'attendais, espérant le fixer un moment. Mais mon attente fut cruellement trompée. Il tourna, vint près de moi, me regarda, et tout aussitôt s'envola avec la rapidité de l'éclair. Ce dernier coup fut terrible. Il m'apprit que c'en était fait de ma jeunesse et de ma beauté. J'étais vieille. Le temps avait accompli son œuvre de destruction, et le terme de mon existence arrivait à grands pas. Je me sentis profondément affecté de me sentir si près de ma fin, et je déplorai amèrement le triste sort que m'avait fait le destin. Ces pénibles réflexions furent interrompues par l'arrivée de Maxime, pâle et défait. Un foulard entourait sa main droite, et deux jeunes gens le soutenaient dans sa marche. Il venait d'être blessé par le jeune homme à qui la veille Maria m'avait offerte. « Merci, mes bons amis, » dit-il aux deux personnes qui l'accompagnaient. « Merci de vos bons soins. Ils m'ont été bien nécessaires grâce à ma maladresse. » Ce diable d'homme avait un poignet d'acier. « Que veux-tu, mon cher Maxime, on n'a pas toujours la main heureuse. Mais au reste, je te l'ai dit, ce n'est rien qu'une égratignure. Dans 15 jours, tu seras en état de recommencer. » Ce que cependant je ne te conseille nullement de faire. Parbleu, ni moi non plus. Soudain, ses regards tombèrent sur moi. Voici une rose qui me coûte cher, Ludovic. C'est elle qui est la cause de tout ceci. Que veux-tu ? Interrompit l'autre jeune homme. Il n'y a pas de rose sans épines. Adrien a raison, reprit Ludovic. Mais mon cher, crois-moi, renonce à Maria. C'est une coquette. Tu ne dois plus la revoir. C'est une femme indigne de toi. « Vous avez raison, messieurs, je renonce non seulement à Maria, mais encore aux Clara ou aux Marguerite, à toutes les Lorettes présentes et futures. Oh, oh, serment d'ivrogne ! Non, d'honneur, je vous parle sérieusement, et tenez » ajouta-t-il en me désignant, « si cette fleur m'a valu un coup d'épée, c'est une punition qui me rappelle que jusqu'à ce jour, j'ai retardé mon mariage avec ma jolie cousine Aurélie Dizel, et je vous promets, qu'aussitôt mon rétablissement, je l'épouse. Adrien, ouvre le tiroir de ce meuble et mets-y la rose qui est dans cette coupe. Elle me rappellera ma promesse si je venais à l'oublier. » Adrien se dirigea vers le meuble que lui désigna Maxime, après m'avoir retiré de la coupe, ouvrit un petit tiroir en ébène incrusté de nacre, essuya l'eau qui ruisselait le long de ma tige, me plaça dans le tiroir à côté d'un médaillon et referma le meuble. C'est là où je suis maintenant, privé d'air et de jour, en attendant que tous mes pétales fanés tombent pour jamais dans la poussière du néant. C'était « Mémoire d'une rose » par Gourdon de Genouillac.